De la merde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De la merde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Redonnez-en moi, s'il vous plaît, et s'il vous plaît pas. Redonnez-en moi de la merde, s'il vous plaît, oh s'il vous plaît, de la merde, s'il vous plaît, oh s'il vous plaît, s'il vous plaît pas, redonnez-en moi de la merde, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, redonnez-en moi, et s'il vous plaît pas, redonnez-en moi, s'il vous plaît, de la merde, s'il vous plaît, oh, s'il vous plaît, pardonnez-en moi.